The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Can't take this anymore. En avoir marre de. Reception. Le réseau. Amount. Le montant. Contract. Le forfait. Rip off. L'arnaque. Now, a bit faster. Can't take this anymore. En avoir marre de. Amount. Le montant. Reception. Le réseau. Contract. Le forfait. Rip off. L'arnaque. Reception. Le réseau. Contract. Le forfait. Can't take this anymore. En avoir marre de. Amount. Le montant. Contract. Le forfait. Now, use the words in context. En avoir marre de. If you're sick of working in that company, you should look for another job somewhere else. Si tu en as marre de travailler dans cette entreprise, tu devrais chercher du travail ailleurs. Le réseau. Don't worry if you can't reach me when I'm on vacation in the mountains. I probably won't have any service. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me joindre quand je suis en vacances à la montagne. Je n'aurai probablement pas de réseau. Le montant. The total amount of the bill was 200 euros. L'arnaque. He wanted to sell me that baguette for 5 euros. What a rip-off! Il a voulu me vendre cette baguette de pain 5 euros. Quelle arnaque! Le réseau. Don't worry if you can't reach me when I'm on vacation in the mountains. I probably won't have any service. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me joindre quand je suis en vacances à la montagne. Je n'aurai probablement pas de réseau. Le montant. The total amount of the bill was 200 euros. L'arnaque. He wanted to sell me that baguette for 5 euros. What a rip-off! Il a voulu me vendre cette baguette de pain 5 euros. Quelle arnaque!